Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Mae West, le jeu de la séduction et le goût de la provocation. What do you think of men? Men? Well, men are my career. Mae, tell me, what is your hobby? My hobby is men. Mae West, I want to ask you one thing. What is your greatest ambition? My greatest ambition? Well, if you come up and see me sometime, I'll let you know. Tout tourne autour des hommes et de la séduction dans cette courte entrevue qu'accorde Mae West à son arrivée en Angleterre en 1947, lors de la seule tournée étrangère qu'elle va faire au cours de sa carrière. Mae West a presque 40 ans quand elle fait ses débuts au cinéma et sa carrière à Hollywood sera relativement courte, ce qui ne l'empêchera pourtant pas de fortement imprégner sa marque sur le cinéma américain des années 30. Esprit libre et femme de caractère, Mae West, qui aime par-dessus tout séduire et provoquer, deviendra vite le fantasme de toute une génération d'hommes. I believe that everyone in life should have a mission. Making people happy is the height of my ambition. And when I get them happy, well, they stay in that condition. I have a system all my own. I got a lot of what I got. And what I got's all mine. And I'll show you. I can cure you if you're feeling blue. Come up and see me sometime. Mae West chantant « Come up and see me sometime » tiré du film « She done him wrong » réalisé en 1933. Mae West qui dit dans cette chanson n'avoir plus grande ambition que de rendre les gens heureux, pour nous rappeler la place particulière que va occuper Mae West dans l'histoire du cinéma américain. Mon invité Yves Levert, critique et professeur de cinéma, auteur de nombreux livres également sur le cinéma, sur la censure au cinéma également. Yves Levert, bonjour. Bonjour. Quelle place elle occupe Mae West dans ce grand firmament des stars hollywoodiennes, M. Levert? D'abord, c'est la plus grande star des années 30. Ouais. Hommes et femmes confondus, à cause du cinéma. Mais elle était déjà une grande star du vaudeville et du théâtre dans les années 20 et même à partir de 1910. Elle va rester tellement célèbre encore dans les années 70 qu'on va lui confier deux petits rôles au cinéma, des tout petits rôles. Mais est tellement célèbre encore que pour un show de soirée, Dick Cavett, elle peut demander 25 000 $ en 1974, ouais, alors qu'elle a déjà 80 ans, pour aller participer à ce genre de, ouais, show-là. Mais maintenant, elle va être oubliée parce qu'il y en a tellement de vedettes, puis le cinéma s'est tellement transformé que finalement, on garde le souvenir d'une très grande vedette. Et puis, c'est assez amusant de voir que sur YouTube, on peut regarder beaucoup d'extraits de films, ouais, d'elle, mais ces films sont à peu près pas possibles à voir. Voilà. Et ça, c'est fascinant. Puis peut-être qu'on y reviendra à la fin de l'émission. Mais effectivement, ce qu'il faut retenir, je pense, d'emblée, c'est qu'elle occupe une place énorme au moment où elle brille au théâtre et ensuite à Hollywood. Mais effectivement, peut-être qu'elle s'est un peu plus perdue dans notre mémoire collective que d'autres grandes figures. Marilyn Monroe, c'est celle qui vient tout de suite, mais il y en a d'autres. Comment la décrire, Mae West? Parce que c'est par là que ça commence. Comment décrire Mae West comme femme, physiquement, mais aussi pour ce qu'elle représente comme type de femme? Je vous propose d'écouter l'historien, comédien, auteur Jean-Claude Germain dans son style toujours très savoureux à l'émission Les Belles Heures en 1987. La forme de Mae West était célèbre. Elle n'était pas tellement grande. Hein? 5 pieds et 2. 5 pieds et 2. 120 livres et 43 pouces de poitrine. Elle est extrêmement intéressante parce que ce n'est pas du tout une vampe. C'est le contraire d'une vampe. Les vampes au cinéma à l'époque, il y avait la petite fille pure, Lillian Gish, Mary Pickford. C'est celle qui dit qu'il existe un nuage. Et il y avait les vampes, Theda Bara, Gloria Swanson, première manière, peau là négrie, ont habituellement le visage, les cheveux noirs, sont habituellement dans une atmosphère sombre, et ils donnent l'impression que le sexe est quelque chose qui est qui n'existe dangereux. Pas. Non, ça existe, mais tu ne survivras pas. C'est ce que, avec Mae West, elle a objectivement la cuisse joyeuse. En fait, elle a eu un effet similaire à celui qu'a eu Daniel Wimmett ici avec Valérie. Comme disaient les vieux à cette époque-là, c'est la première fois qu'on voit une fille en pied. C'est vrai. Mais elle avait une qualité, c'est-à-dire d'avoir justement une joyeuseté à la chose. Alors, Mae West a ce talent-là. Comment décrire cette femme, Yves Levert? Elle plaît énormément aux hommes. Qu'est-ce qui plaît tellement aux hommes chez Mae West? Mais elle a une voix très agréable à écouter. C'est pas une voix de haute, c'est une voix relativement basse. Et elle a toujours des choses intéressantes à dire aux hommes. Et on a parlé bon, là, de ses rondeurs généreuses, voluptueuses. Et elle a toujours, elle est une fausse blonde, mais toute sa vie, elle va être en blonde, avec beaucoup d'une blonde patinée, avec des bouclettes. Toute sa vie comme ça. Même quand elle est vieille, elle devrait avoir des cheveux blancs. Elle est encore en blonde. Quelle attitude! C'est surtout, elle a une sorte d'assurance devant tous ses partenaires. Et elle a d'autant plus d'assurance que c'est elle qui a écrit les scénarios et c'est elle qui a écrit les pièces de théâtre. Ouais, parce que c'est une vraie femme de tête, ça, on va y revenir. Aussi, on va y revenir, mais pour le physique, hein, à un moment donné, dans le New York Times, on a parlé d'elle comme de la statue de la libido. Oui, imaginez. Alors, c'est une expression, évidemment, très intéressante pour les New-Yorkais. Elle a un côté ludique, elle est dans la séduction, elle est dans le jeu tout le temps. Toujours. Oui. Et ça, ça plaît. Ces répliques, d'ailleurs, ça aussi, on va y revenir, mais c'est ça, c'est les jeux de mots sans cesse. Comment elle se compare à d'autres grandes stars féminines au moment où elle est sur scène ou au grand écran, ou plus tard? Évidemment, on a tous en tête, par exemple, une Marilyn Monroe. Comment comparer ces deux figures-là? C'est que Mae West est plus, je dirais pas intellectuelle, mais elle a des réparties plus intéressante. Elle joue pas vraiment, elle joue pas toujours la vamp. Elle est un personnage qu'elle s'est créé, qui est une femme liée au monde du théâtre, du spectacle. Elle joue beaucoup de ses rôles. C'est comme ça. Elle est souvent la directrice. Et puis, elle, contrairement aux autres, elle séduit sans essayer de séduire. Et elle plaît. Et comme c'est, et à la fin des films, elle ne marie jamais ses partenaires mâles. Ouais. Ça finit toujours bien pour elle, pas mauvais pour les autres, mais tout le monde sort heureux d'un film de Mae West. Et d'ailleurs, petit aparté, mais dans sa vie, ce sera un peu pareil. Ce sera une grande séductrice. Elle plaira beaucoup dans la vie aussi, pas juste sur le grand écran. Ce sera ça, des hommes de passage, essentiellement, non? Essentiellement, oui. Elle se marie à 18 ans ou 19 ans, les gens ne sont pas sûrs. Elle ne vit pas avec ce jeune homme-là, puis c'est seulement au début des années 40 qu'elle va officiellement s'en séparer. Mais elle n'aura jamais vécu régulièrement avec quelqu'un, mais toujours beaucoup d'amants. Ouais. Elle plaît donc beaucoup aux hommes. Elle plaît aussi aux homosexuels. Pourquoi? Oui. En fait, il faut venir au tout début de sa carrière. Son père était un ancien boxeur devenu homme d'affaires dans le milieu du théâtre et un peu de l'immobilier aussi. Et sa mère était une mannequin. Alors, elle est mêlée à tout ce milieu des arts new-yorkais dès la fin du 19e siècle. Alors, c'est pour ça qu'elle rencontre plein de gens. Alors, tout le milieu des gays, à ce moment-là, qui est très caché. Mais avec ses parents, elle pénètre dans ce milieu-là. Elle a tout de suite beaucoup de sympathie pour les Noirs, parce que c'est les Noirs qui lui fournissent le genre de musique qu'elle aime, qui vont diriger ses orchestres au théâtre et pour certains films. Alors, elle aime chanter avec eux. Et puis, au fond, elle se veut comme une sorte de protectrice des minorités dans l'ensemble. D'abord parce qu'elle les côtoie très jeune, parce que venant de New York, venant du milieu que vous nous avez décrit. Et puis, il y a presque un militantisme chez elle. Ah oui, elle veut lutter contre le puritanisme américain des années 10. Dans les années 20, ça va être moins pire, le puritanisme, mais ça va revenir beaucoup en force dans les années 30 aux États-Unis, après la crise économique. Mais dans les années 20, c'est un peu les années folles. Alors là, on peut se permettre beaucoup de choses. Ouais. Alors parlons-en des débuts. Revenons peut-être un petit peu au fil chronologique. On a beaucoup décrit la femme. Elle naît à Brooklyn, donc, vous nous l'avez dit. En 1893. Ouais. Et elle commence très, très vite sa carrière sur scène. C'est ça. Comme son père est mêlé au milieu du spectacle, on l'amène à 7 ans faire des petits rôles dans des pièces de vaudeville. Et elle va continuer comme ça. Elle en a régulièrement. De sorte qu'à 13 ans même, elle laisse l'école. Et que tout de suite, elle a des rôles. Puis, des rôles de plus en plus importants. Et à ce moment-là, et ce qui est très, très amusant pour nous, son idole, c'est Eva Tanguay, une Québécoise. Ah bon? Qui est la superstar du vaudeville à New York. Et elle, c'est une femme très libre, puis qui est déjà un peu au théâtre, oui. Ce que Mae West va vouloir devenir. Oui. Et elle devient ce que Eva Tanguay est. Eva Tanguay est vieillissant, elle disparaît, puis, et c'est Mae West qui, d'une certaine façon, prend la place comme personnage de femme. Et elle est provocatrice aussi. Absolument. Hein. Alors, en 1920, elle a 27 ans à ce moment-là, et elle écrit une pièce qui s'appelle « Sexe ». Et le mot « sexe », à ce moment-là, c'est très drôle, parce que dans les journaux américains, il ne fallait pas écrire ce mot-là. Mm-hmm. Alors, même dans le New York Times, on parlait « la pièce de Madame Mae West ouais. ». Et on ne disait jamais son nom. Ouais. Alors, c'est un immense succès. Et les ligues de la pièce et de la moralité vont la poursuivre. Et elle va avoir un procès devant un juge, puis elle va être condamnée à 10 jours de prison. Et elle va aller en prison, elle ne fera pas les 10 jours, mais elle est tellement une vedette que le directeur de la prison, qui est un de ses admirateurs, vient la voir. Elle peut manger tout ce qu'elle veut. Elle apporte ses vêtements, ses sous-vêtements de soie, surtout. Traitement de faveur. Pour traitement Mme de faveur comme personne n'en a eu. Ouais. Alors, elle va poursuivre cette carrière-là durant toutes les années 20. Avec beaucoup de pièces différentes. Une autre de ces pièces va se retrouver en procès aussi, mais cette fois-là devant jury. Ouais. Puis les jurys ne voudront pas la condamner. Et de fait, elle va développer un rapport assez particulier avec la censure en disant, pour ce qui est du théâtre, un peu, en faisant beaucoup d'esprit, elle a de l'esprit, mais West, j'ai rien contre la censure, je paraphrase, mais au fond, ça a fait ma fortune. Oui, parce que, quand elle est les 7 jours ou 8 qu'elle a passé en prison, elle a écrit, parce qu'elle avait déjà un grand talent pour écrire, ouais. Elle a écrit un genre de texte contre la censure qui a été publié et puis ça lui a rapporté des milliers de dollars, ce texte-là. C'est pour ça qu'elle peut dire après, je suis pour la censure, ouais. je fais de l'argent avec la censure. Mais elle va développer aussi, surtout avec le cinéma, mais déjà un peu dans les années 20, au théâtre, une façon de contourner la censure, ouais. C'est d'apporter des situations tellement grosse, tellement censurable d'une façon, que les gens vont dire « Ah, on ne peut pas laisser passer ça, c'est sûr. Mais si en ne laissant pas passer cela, ah, ben on va laisser passer ça, c'est moins pire. » Donc, elle sait très bien, elle joue, continuellement. Jeu, là, de chat de la souris avec les censeurs. Je les provoque à l'extrême et ils laisseront passer ce que je veux vraiment dire dans mes dialogues. Voilà. C'est quand même, on revient à cette femme forte, faut le faire quand même. Elle écrit, elle insiste, elle a le droit. Quand elle sera au cinéma, c'est elle négocie ce droit-là. J'ai le droit de regard, j'écris mes dialogues et elle va développer tout un art de l'écriture. Comment le définir, cet art de l'écriture chez Mae West? Je propose d'écouter un échange de répliques célèbres tiré du film I'm Not an Angel, réalisé en 1933. Puis ça va être suivi d'un extrait de la chanson I Want You, tiré du même film, puis où on entend encore une série de répliques. You were wonderful tonight. I'm always wonderful at night. Yes, but tonight you were especially good. Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better. Please, won't you believe me? Darling, you can never guess how much I love you. I never guess. You gotta show me. Just give me the chance. You get it. To have you. I could be your slave. Well, I guess that could be arranged. What have you done to me? You're simply grand. What the What have you done to me? You ought to know. I'll make your demand. I want. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, c'est on comprend tout en écoutant cet extrait, Yves Levert. Comment décrire le style Mae West dans l'écriture de ses dialogues? C'est souvent un peu ambigu, mais aussi ça évoque. C'est un style très évocateur. Elle a des phrases que les hommes aiment, tout le monde aime entendre, les femmes aussi, parce que les femmes aimeraient dire « Ah, j'aimerais pouvoir dire ça, moi. » Ça fait parler cette vivacité d'esprit, oui, hein, c'est ça. Voilà, ouais. C'est ça. Et parmi des phrases très, très célèbres, là je vais en citer juste quelques-unes ici. « Croyez-vous au coup de foudre? » Elle dit « Je ne sais pas, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Hein? »« Tant d'hommes, si peu de temps. » Je n'ai que des yes-men autour de moi. Pas besoin de ceux qui disent non. » Et ça, c'est des répliques qui viennent de ces pièces de théâtre ou dans des films. Ouais. Et puis j'évite généralement les tentations, sauf celles que j'ai pas encore essayées. Mm-hmm. Alors, viens me voir un jour quand je n'aurai rien mis, sauf la radio. Puis qu'est-ce que vous portez pour dormir? Aux quelques bagues. Ouais. Alors, c'est ce genre de phrase. L'invitation. L'imaginaire se met tout de suite à... C'est ce qui plaît aussi. Au-delà du physique, on y revient, mais c'est cette attitude qu'elle a, qui est très moderne, celle d'une femme libre, qui est probablement à l'époque assez peu répandue comme manière d'aborder la vie et les hommes. Ça plaît beaucoup. Et c'est ce qu'elle fera sa carrière au théâtre ou au cinéma là-dessus. Revenons un petit peu justement à notre fil chronologique. Après ce passage remarqué au théâtre, ce goût déjà de la provocation, cet emprisonnement, son rapport à la censure. Elle arrive à Hollywood en 32. Elle a déjà 39 ans. À ce moment-là, c'est relativement tardif, son arrivée à Hollywood. Pourquoi elle décide de se tourner vers le grand écran? Mae West, c'est une femme de parole. Alors, dans les années 20, il ne faut pas oublier que le cinéma est muet. Et c'est seulement à partir de 27-28 qu'on va commencer vraiment à faire du cinéma parlant. Et là, Hollywood veut avoir des actrices de cinéma parlant. Et beaucoup de femmes et d'hommes aussi ont vu leur carrière disparaître parce qu'ils n'avaient pas une très bonne voix pour les micros. Alors, elle, qui avait cette habitude du théâtre, elle avait une voix très agréable et qui passait très, très bien, qui a passé très bien dans les micros. Alors, elle est venue au cinéma parce qu'elle pouvait parler au cinéma. Ouais. Elle pouvait continuer à faire dans des films ce qu'elle faisait déjà. Et les gens d'Hollywood la repèrent, j'imagine. Ils l'ont repéré, bien sûr, parce que ces gens-là venaient à New York, alors ils savaient, ils connaissaient son immense succès. Alors, tout de suite, on l'engage, écoutez, à 5 000 $ par semaine. Aujourd'hui, ça voudrait dire comme 5 millions de dollars par film, hein, par année, là. Et on revient à cette femme de caractère, cette femme forte qui écrit ses dialogues, qui gagne beaucoup d'argent. J'étais, en préparant le dossier, très étonné de découvrir qu'en 1935, Mae West est la personne aux États-Unis qui gagne le deuxième plus gros salaire après Hearst, le mania de la presse. C'est ça aussi, Mae West. Et c'est une carrière extraordinaire à Hollywood. Elle fait beaucoup d'argent, mais elle fait faire beaucoup d'argent au studio également, Yves Levert. Oui, parce que chacun de ses films était un très grand succès. C'est elle qui a sauvé la compagnie Paramount. Après la crise économique, là, toutes les compagnies de cinéma ont eu des difficultés financières. Et puis c'est elle qui a vraiment sauvé la Paramount, qui a pris le pas sur plusieurs autres compagnies. Et en parlant de Hearst, justement, il détestait Mae West parce qu'il était assez, pas pudique, mais puritain. Et il interdisait à tous les journaux de son réseau de parler des films de Mae West. Mais bon, il n'était pas le seul, alors on en parlait et les films étaient très, très populaires. Et ça correspond aussi au moment où le cinéma d'Hollywood veut aller chercher beaucoup plus le peuple américain parce que le cinéma muet, il s'exportait facilement partout dans le monde. Puis là, quand arrive le parlant, c'est difficile pour le cinéma parlant. On comprend pas l'anglais en France et en Russie. Alors là, on se revient sur le public américain. On va faire un et cinéma. Et c'est ce qui plaît au public américain. C'est ma maison cinéma américain. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est arrivé dans un état de l'Ouest. Elle restera longtemps dans votre mémoire, puisqu'elle est à propos de Mae West. Elle s'installa dans un tout petit village, qu'un oublieux admirait ses atouts. Donc les petites vieilles lui faisaient long visage, craignant que tous leurs hommes lui fassent la cour. It's good old summer time, come up see me sometime. Quand elle se promenait en automobile, les hommes la suivaient en vraie procession. Il n'y avait plus moyen de les tenir tranquilles ou de les garder à la maison. Même les vieux au-dessus de la soixantaine la considéraient comme une déesse. Sans exception courait la prétentaine et c'est à qui l'aurait mis ouest. Le Québec n'échappera pas à cette popularité de Mae West. À preuve, cette chanson qu'on entendait, une chanson d'Alfred Nocor, écrite en 1936, qui a pour titre « Mae West en vacances ». Quel genre d'écho elle aura, Mae West, au Québec, Yves Levert? Oh bien, ces films vont tous être diffusés, mais tous amputés de quelques répliques. Pas tant que ça, parce que c'était verbal. On s'attachait beaucoup plus au décolleté que... aux paroles. Ouais. Le public francophone de Montréal aimait Mae West, mais il comprenait pas beaucoup l'anglais des films. Alors, beaucoup de films, ces films sont tous passés, mais tous à peu près un peu censurés, quelques répliques seulement. Elle aura une carrière, donc un impact énorme au moment de sa présence à Hollywood, mais une carrière qui sera relativement courte, une dizaine d'années. Pourquoi c'est si court? En fait, à partir de 1942, au moment où les Américains viennent d'entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, à Hollywood, on fait des films de mâles, les grands mâles, tu sais, les grandes périodes de John Wayne, Gary Cooper, tu sais, et on fait beaucoup de films de guerre. Mm-hmm. Alors, et c'est ce qui plaît au peuple, et puis c'est très facilement exportable aussi à cause des images très somptueuses, et c'est l'époque aussi, une des plus grandes époques du western. Mm-hmm. Alors, les personnages de femmes sont mis entre parenthèses, et ça va revenir vers la fin des années 50, là, avec cette bombe qui va être Marilyn Monroe, mais ça va être un tout autre sujet. Il reste quoi? On termine là-dessus, mais on le disait un petit peu au début de l'émission, très, très forte présence quand elle est là, dans les années 30, Mae West, à Hollywood, mais peut-être un peu tombée dans l'oubli comparativement à d'autres. Pourquoi? Bien, elle avait un style qui n'est plus d'aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas dans l'oubli, ce sont la série de ses citations célèbres. Ouais. On en a des pages maintenant. Alors, on trouve ça sur Internet. Mais c'est une figure du passé qui reste attachante. On voit des extraits de films, des extraits de chansons. On se dit, wow, c'était quand même une époque intéressante, mais on est tellement loin de ça aujourd'hui. Et derrière la séduction, je reviens là-dessus, mais moi, ça m'a frappé en préparant ce dossier. Vraiment une femme de caractère, une femme forte, qui était libre aussi pour l'époque dans laquelle elle a vécu. Yves Levert, critique et professeur de cinéma, auteur de nombreux livres sur le cinéma. Merci beaucoup de votre présence à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Your love must be mine, oh baby, baby, to have you, oh dear.